personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne comme notre Emmanuel. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. J'ai cherché, le résultat est le même. Il n'y a personne, oh. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Je t'assure. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. J'ai vérifié. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Oh, j'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai tourné, tourné. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Je t'assure, moi j'ai marché, marché, marché. Personne, personne. Et j'ai tourné, tourné, tourné. Personne, personne. Moi j'ai fouillé, fouillé, fouillé, fouillé, fouillé. Il n'y a personne comme lui. Sans fils, sans fils, il manque Jésus. Sans fils, sans fils, il manque Jésus. Sans fils, sans fils, il manque Jésus. Sans fille, t'y manque Issa. Sans fille, sans fille, sans fille, t'y manque Jésus. Sans fille, sans fille, t'y manque Jésus. Sans fille, t'y manque Issa. Sans fille, t'y manque Jésus. Oh, oh, oh. Sans fille, t'y manque Issa. Oh, nanti, nanti, li. Sans fille, sans fille. Ben, you, ben, you. Sans fille, sans fille. Sans fille, t'y manque Issa. Yeah, nanti, nanti. Sans fille, sans fille. Yeah, bam, you, bam, you. Sans fille, sans fille. Yeah, ma kunde, kunde, kunde, kunde, kunde. Sans fille, t'y manque Issa. Oh, nyoni, Jésus, c'est Igouo. Nyoni, Jésus, c'est Igouo. Nyoni Jésus c'est Igouo. Nyononi Jésus c'est Igouo. Nyoni. Nyoni Jésus c'est Igouo. Nyoni. Nyoni Jésus c'est Igouo. Nyoni. Nyoni Jésus c'est Igouo. Nyononi Jésus c'est Igouo. Eh, na na na. On a été chez les francophones, chez les baoulés. On a fait un tour chez les ouais. On trouve pas quelqu'un comme Jésus. On demande un peu chez les bétés, hein. On va voir s'il y a quelqu'un comme Jésus. Hey, n'y a pas mille sagbalago. Hey, n'y a pas mille sagbalago. Hey, n'y a pas mille sagbalago. Ça m'a dit n'y a pas mille sagbalago. Nyo pa mile, nyo pa mile, sabalago. Eh, nyo pa mile, nyo pa mile, sabalago. Nyo pa mile, nyo pa mile, sabalago. Namaje nyo pa mile, sabalago. Eh, nyo pa mile, sabalago. Eh, nyo pa mile, sabwa Jésus. Oh, eh, nyo pa mile, sabalago. Madame, n'y a pas mille, ça va la go. N'y a pas mille, n'y a pas mille, ça va la go. N'y a pas mille, n'y a pas mille, ça va la go. Madame, n'y a pas mille, ça va la go. Eno, eno, kakaka. Sabalago, eno eno kakaka, ebi nyopoiri, Chez les Baoulés, chez les Ouais, chez les Bétés. Il n'y a personne comme Jésus. On va aller un peu chez les Gouraud pour demander un peu s'il y a quelqu'un comme Jésus. Alors attache ta ceinture, nous allons y aller. Hey, Azumakalo, Jésus Zumakalo. Azumakalo, Jésus Zumakalo. Azumakalo, Jésus Zumakalo. Azumakalo, Jésus Zumakalo, yelele. Azumakalo, Jésus Zumakalo. Azumakalo, Jésus Zumakalo. Azumakalo, Jésus Zumakalo. Azumakalo, Jésus Zumakalo. Azumakalo, Jésus Zumakalo. Azumakalo. Azumakalo, Jésus Zumakalo, yelele. Azumakalo, Jésus Zumakalo. Azumakalo, Jésus Zumakalo. Azumakalo, Jésus Zumakalo. Azumakalo, Jésus Zumakalo. Parfait fana we. Azumakalo, anta ube. Azumakalo, parfait fana. Il est puissant. Yeah, yeah, yeah. Alekela, alekela, alekela, alekela, alekela.